Samedi, il n'y a pas de question, Richard. Ouais. Est-ce que c'est correct de voir tous les mâles qui nous touchent comme une punition à cause de nos péchés? Est-ce qu'il est correct de voir que tout ce qui nous touche est des répercussions de nos péchés? C'est bien de se le dire. Comme ça, surtout si ça t'aide à te remettre en question. Mais il faut savoir que ce n'est pas que ça. Parce que des fois, les mauvaises choses qui te touchent, c'est un bienfait pour toi. Les épreuves, si les croyances ont été éprouvées, le meilleur des croyants, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a été éprouvé. Ces épreuves n'ont pas été dues par ses péchés, hacha sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'était pour qu'Allah azzawajal l'élève encore en degré et le purifie. Tu vois? Donc, il faut voir les deux. Pour espérer avoir, se rapprocher dans le jugement, est-ce que c'est un châtiment ou est-ce que c'est une épreuve par laquelle Allah veut me purifier et m'élever en degré? En vrai, tu ne peux pas savoir. Parce que c'est Allah qui juge. C'est Allah qui sait. Et toi, tu ne peux pas savoir pourquoi Allah a fait. Sauf que tu peux, avec les éléments que tu connais de ta vie, supposer des choses, mais dans le sens de te rectifier le mieux que tu peux. Et sans dire « Wallah, je sais que ça, c'est dû à ça ». Non, tu ne peux pas le dire. Ni jurer, ni même sans jurer, mais affirmer, tu ne peux pas l'affirmer. Mais dire « Regarde, ça fait longtemps que je mets de l'argent de côté, je travaille, j'ai tant et tant, j'ai tant d'argent, il n'y a pas de baraka, donc forcément il y a quelque chose. Qu'est-ce que la prière, quand je prie vite et tout, c'est sûrement ça. » Tu ne dis pas que c'est que ça, non. Tu dis, ça te pousse à te réformer au moins sur ce domaine-là. Malish, tu vois. Mais tu te dis que peut-être, ça peut être autre chose. Wallah, voilà. C'est quel célèbre qui a dit « Ne regarde pas la petitesse du péché, mais regarde la grandeur du péché » Je ne l'ai pas. Allah, voilà. Fika par la gueule. Pour les personnes qui ont le cœur voilé, qui se terminent de bien ou de mal, est-ce qu'elles peuvent par eux-mêmes sortir de cela et est-ce que même c'est possible? Par eux-mêmes, de manière indépendante, non. Par eux-mêmes, de par la grâce d'Allah, oui. Parce que c'est Allah Azzawajal qui guide. Et ça, justement, ça fait référence aussi à le nom d'Allah, At-Tawwab, celui qui accepte le repentir de ceux qui se repentissent. Les savants disent que parmi les sens de ce nom, ou bien l'acceptation du repentir, ou bien le fait qu'Allah Azzawajal ait ce nom, At-Tawwab, cela veut dire en premier qu'Allah Azzawajal met la guidée et l'envie de se repentir dans le cœur de la personne. C'est comme si tu connais l'histoire de la personne qui a tué 99 personnes. Dans le hadith, il est dit que Allah a mis dans son cœur l'intention, la volonté de se repentir. Tu vois? Donc, il se peut qu'une personne ait le cœur voilé, totalement ou partiellement. Il se peut qu'Allah Azzawajal veuille le bien de cette personne. Il lui accorde sa miséricorde, lui accorde son pardon, sa clémence, sa grâce. Il peut le faire sortir de ce mauvais état. Et après, Allah Azzawajal guidera la personne pour faire des efforts dans ce sens. Wallahu a'lam. La différence entre le cœur voilé et scellé, je ne connais pas de différence spécifique, ça revient au même. Le cœur scellé, c'est le cœur auquel ne rentre pas le bien, auquel n'accède pas le bien. Ça ressemble beaucoup au cœur voilé. Wallahu a'lam. Est-ce que c'est permis de dire, quand une femme a bien un homme pour nous serrer la main, est-ce qu'on peut lui dire je ne me sens pas bien ou je suis malade, au lieu de dire je suis musulman, je ne peux pas serrer la main? Est-ce qu'il est permis, si une femme vient nous serrer la main, qu'on nous dise je suis malade, je ne suis pas bien, pour éviter de lui serrer la main? Ce type de propos, on appelle en arabe At-Tawriya. At-Tawriya, c'est le fait de dire une chose qui peut avoir deux sens, un sens proche et un sens lointain. Et que la personne à qui, ou bien qui entend cette parole, au premier abord, elle pense au sens proche. Mais toi, tu penses à un sens lointain. Ceci, c'est détestable. d'utiliser cette méthode. C'est détestable, c'est pas recommandé, mais c'est mieux que de faire un péché. Et c'est mieux que de, comment dire, de subir un tort énorme. Par exemple, il a été rapporté, je ne me rappelle plus des noms, mais un grand savant, j'ai en tête que c'est l'imam Ahmed, mais Allah a'alam, il y avait un savant que l'imam Ahmed connaissait, ou bien que ce savant connaissait, qui était recherché par la police à son époque. Donc la personne a fui, elle s'est réfugiée chez l'imam Ahmed, c'est ce savant-là. Et il lui a dit, voilà, s'ils m'attrapent, ils vont peut-être me tuer ou quoi. Il a dit, là, se rentre. Ils sont venus chez lui, est-ce qu'un tel est chez toi? Il leur a dit, un tel est chez moi? Un tel est chez moi? Non, il n'est pas chez moi. Non, il n'est pas chez moi. Chez moi dans sa main. Tu vois? C'est un grand savant. Ces grands savants évitent de telles choses. Mais là, c'est une question de vie ou de mort. Injuste, hein, bien sûr. Donc, pour éviter que la personne soit emprisonnée, torturée, voire tuée, il a accepté de faire cette chose qui est détestable pour sauver une vie. Tu vois? Mais après, si voilà, dans des péchés comme dont tu parles ou l'équivalent, si tu n'as pas d'autre solution, fais-le. C'est mieux que de faire le grand péché. Mais si voilà, tu devais avoir un rendez-vous avec une personne et tu as oublié le rendez-vous, tu dis « Ah, tu sais, j'étais malade il y a 5 ans et je ne suis pas venu. » Tu vois? Ça, c'est pas bon. Voilà. Et une remarque, la Tawriya n'est pas autorisée lorsqu'on répond à une question. Ça, c'est un cheikh Othman ici qui nous a appris cela, un de mes cheikhs en Algérie. La Tawriya n'est pas licite si tu réponds à une question. Tu étais malade? Tu dois répondre selon l'intention du questionneur. Tu ne dois pas user de Tawriya. Là, ce n'est pas licite. Voilà, voilà. C'est quoi le remède? Donc une personne sur le bot pose la question, c'est quoi le remède pour renforcer sa foi? C'est une question très très pertinente et très très importante. Et la réponse est vaste et longue. C'est pour ça que je vais répondre très concise, de manière très concise. On réconforte. On renforce sa foi. Là, je vous redis ce que je vous ai dit la fois passée, concernant le cœur. Le source, ou bien le cœur, c'est là où il y a la foi. Donc, le cœur est nourri par deux sources. La source du bien et la source du mal. Si le cœur est nourri par la source du bien, ceci est une cause de sa vie. La vie, une vie de foi. S'il est nourri par une source de mal, c'est une cause de sa maladie, voire de sa mort. Donc pour faire vivre son cœur, il faut le nourrir par les sources de la vie qui sont les bonnes actions. Parmi les bonnes actions, les obligations, les actes recommandés, dont la lecture du Coran, l'évocation d'Allah, l'invocation, la bonne compagnie, assister à des assises dans lesquelles on fait le rappel, et ainsi de suite. Mais si tu nourris ton cœur avec la source du bien, et qu'en même temps tu la nourris avec la source du mal, vous savez que le mal souvent prend le dessus. Donc de ce fait, tu nourris avec le bien, mais tu nourris avec le mal, il y aura une bataille dans ton cœur, entre le bien et le mal. Qui prendra le dessus? Allahu a'lam. Selon ce avec quoi tu nourris, la gravité de ce que tu nourris, un exemple, l'une des choses qui est très grave pour le cœur, c'est les chansons et la musique. Et ceux qui ont essayé ont vu. Les chansons et la musique, c'est pas pour rien que c'est nommé comme le Coran du Shaitan. Parce que ça berce le cœur dans des choses. Ça nourrit les passions. Ça touche là où tu as mal. Tu vas entendre 5, 10, 15, 20 chansons. mais une de ces chansons qui va te toucher. Pourquoi ? Parce qu'il y a une histoire qui ressemble à la tienne. Et bien sûr, les chanteurs font exprès de faire ça. Des histoires de cœur, des histoires du père, de la mère, des enfants, des problèmes. Donc, et ça, ça a un effet ajib. Ça a un effet ajib sur le cœur. Donc, si on a ce mal-là qui nourrit notre cœur, une mauvaise nourriture, il faut se dire, il faut s'attendre à ce que des répercussions seront vraiment graves. Donc, pour ne pas trop s'éloigner, donc pour raffermir sa foi, pour nourrir sa foi, pour préserver sa foi, il faut nourrir le cœur avec la bonne nourriture, donc les bonnes actions, et le préserver des mauvaises. On ne pourra pas éradiquer les mauvaises parce qu'on est tous pécheurs, mais plus tu minimises, plus tu diminues, mieux c'est pour toi. Et plus tu nourris ton cœur avec les bonnes choses, plus c'est bien pour toi. Et l'une des clés à ne pas négliger, c'est l'invocation. Et Allah, ça, je l'ai plus sage et plus savant. C'est bon ? Oui. Quel est le jugement de délaisser des péchés de par peur du châtiment mondain, non pas par peur de notre Seigneur ? Les gens seront récompensés selon leur intention. Et les actes ne valent que par leur intention. Ben, dernière question. Donc les actes ne valent que par leur intention. Le fait de ne pas faire un péché, même pour une intention qui n'est pas la meilleure, ça reste dans le positif. Donc on ne va pas faire le péché, on ne va pas voler. Mais si la personne aurait eu une bonne intention, notamment la crainte d'Allah Azza wa Jalla, l'obéissance à Allah, la soumission à Allah, elle aura beaucoup plus de bons fruits. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.